Wallen te le dit dans les cœurs en cage après 2002, mon adrénaline fuse dans les ports qui veut sur la ligne. Reste ma raison diffuse, l'instru, je le câline. Pas, je refuse de me coucher. J't'amuse la galerie, t'es de la baise. Excuse ma langue à forcer, j'apaise tes douleurs. En kickant loin des clichés, explique en petit que c'est l'heure qu'on a assez négligé le fond. Affiché sur les murs en poster ou niché dans les saunos. Reste toi-même, les vrais gangsters font pas de promo. Obligé de le pisser, j'peux pas le taire. J'ai que 12 mesures chrono, j'termine en espérant. T'es pigé le creux, c'est le langage du cœur. On parle le langage du cœur, jamais à demi-mot. Tu sais, monte le son. Et tu sais, le langage du cœur fait souvent défaut. C'est réel, toi, tu vois, le langage du cœur ne se traduit pas. Tu auras beau tendre l'oreille. Soit tu piges pas. Soit tu piges pas. J'ai le cœur gros, gros, faut dire que j'aime trop. Dire qu'il y a que l'amour qui écrase mon ego comme un ego. Faut dire que mon cœur est dans mon flow depuis ma première démo. Je savais qu'un jour il deviendrait plus qu'un style, un créneau. S'il y a des gens qui monnaient en euros leurs faux idéaux, je suis pas là pour faire croire que les preuves sociales rendent meilleur ou plus digne de compassion ici qu'ailleurs. Le slogan de la galère, c'est parce que je le veux bien. J'étreins la rue, lui pleure des notes, lui dit la vie c'est beau. Certains baggy me disent que je me la mets à dos, mais je suis pas vrai pour quelque chose ou quelqu'un. Je suis l'enfant seul, et même si je maintiens.